plus une thune. C'est dans ces cas-là que l'État va t'arracher les plumes. Mon micro reste ma seule fortune, donc je parle de ce que je vois en espérant être à la une. Des journaux que je ne peux plus acheter, en guise d'habits, un vieux baggy et un polo tacheté. C'est haché comme le goût d'un bouffe pour chat. Si j'en suis arrivé là, c'est que je suis vraiment en chien. À la TV, ils font encore plus chier. Parle de fric et de chienne, et de fisc et de peine. S'il te plaît, laisse-moi changer de chaîne. Mais merde, c'est la même, pourtant j'ai la TNT. J'ai payé mon décodeur en 3 fois CB. Et ma Renault 19, on me l'a cédé. À force de parler, tu prends pour un obsédé. J'y peux rien refaire, j'ai besoin de monnaie. Je ne dis pas que c'est tout ce qui me plaît. Dans la vie, y'a plein d'autres choses, et tu le sais. J'y peux rien, pourtant je suis prêt à bosser. Et même en gagnant ma croûte, je me fais taxer. De partout, même en train d'opposer. Je reçois un SMS pour dire je suis hors forfait. C'est forcé, le système pousse à consommer comme une clope que tu poses et continue à se consumer. Je sais que c'est con de fumer, que ma thune et ma santé partent en fumée. Qu'est-ce que tu veux, je me suis fait enfumer par ma société d'inégalité. Qui m'a enfumé, qui me fait reculer, bref, elle m'a enculé. Toi aussi t'es abonné, donc trou ton bonnet, on va la prendre où elle est là. Donne-la moi, fais péter là. Fais péter là. Donne-la moi, fais péter là. Fais péter là. J'en ai marre de vivre pour ça, de vider mes bons safons pour payer ci ou ça. Trop de trucs qui coûtent trop de thunes, comme quand tu trimes pour payer tes études. Ton studio, ton stick de déo, ton courant et ton eau, ton carburant d'auto. Certes mon rap te paraît rigolo, mais je fais moins le bon quand je lâche mes euros pour des gens que je ne connais même pas, alors que moi personne m'en doit. Le pire dans tout ça c'est qu'elle sert d'appât, nous fait faire n'importe quoi et qu'on lève le doigt dès qu'il y en a à se faire. Plus aucun de nous ne s'estère, elle nous endort comme de l'éther. Si y a un corps blindé je le déterre. Désolé si je me vénère, mais perso ça me met trop les nerfs. J'ai une poisse de merde, du coup je m'en mêle, les pinceaux m'amènent, je ramène mon propos à son essentiel. Je me fous pas mal d'être riche avant d'aller au ciel. Ne veux plus avancer que partiellement. Il envoie un minimum, mais si tu dis non tu mens. Mes pieds dans le ciment, je suis keblo devant un sumo. Mes poches peuvent plus assumer, même plus de quoi payer du 22 sur eau. Pour oublier ce manque de monnaie, pour oublier mon dernier CDD, pour pallier à ce manque de billets qui me fait me priver, qui me fait crier. Donne-la moi, fais péter là. Fais péter là. Donne-la moi, fais péter là. Fais péter là. Fais péter là.